Pourquoi les ouvriers ne votent plus à gauche ? Un mois avant les élections présidentielles du 21 avril 2002, le socialiste Pierre Mauroy s'adressa ainsi au candidat Lionel Jospin. « Nous devons parler plus fort aux travailleurs, Lionel. Il faut que tu adresses un message à la France qui travaille. Le mot « ouvrier » n'est pas un gros mot. » Cette mise en garde était prémonitoire, puisque cette élection est restée dans l'histoire comme un coup de tonnerre. Au soir du premier tour, le candidat du Parti socialiste fut devancé par le président de la République sortant, Jacques Chirac, mais aussi par le candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen. Pour la première fois depuis longtemps, la gauche ne fut pas présente au second tour d'une présidentielle. Un grand nombre d'études ont montré que cet échec fut largement imputable au divorce qui s'était progressivement creusé entre les électeurs des classes populaires et la gauche. Le premier signe de ce désenchantement est illustré par la progression de l'abstention, qui frôla les 30% en 2012, ce qui était un record pour une élection présidentielle. Mais le plus significatif, c'est que 24% des électeurs ouvriers se prononcèrent ce jour-là en faveur du candidat d'extrême droite, alors que la moyenne nationale du vote Le Pen se situait aux alentours de 17%. Cette élection marqua certainement la fin d'une histoire qui avait débuté dans les dernières décennies du XIXe siècle. Le monde ouvrier avait fait irruption dans l'actualité lors du massacre de Fourmies le 1er mai 1891. D'autres événements spectaculaires, comme les accidents du travail dans les mines et les grèves, contribuèrent à placer la figure de l'ouvrier au centre de notre vie publique. Une dynamique s'enclencha alors qui permit aux socialistes de réussir une percée lors des élections législatives de 1893. La coalition du Bloc des Gauches, dont faisaient partie les socialistes, remporta ensuite les législatives de 1902. En moins de 10 années, le mouvement ouvrier français avait réussi à devenir une force politique significative. À partir des années 30 et jusque dans les années 1970, le Parti communiste, qui se définissait comme le parti de la classe ouvrière, prit le relais. Aux élections législatives de 1973, la moitié des électeurs du PCF étaient encore des ouvriers. Plusieurs facteurs ont joué dans le divorce qui n'a cessé de s'aggraver depuis cette époque entre la gauche et le monde des travailleurs. Le premier tient au renouvellement des générations. Les électeurs nés pendant les Trente Glorieuses et dans les décennies suivantes n'avaient pas vécu les événements fondateurs comme le Front populaire, la Résistance, les luttes sociales intenses de l'immédiate après-guerre. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas s'identifier au Parti communiste comme cela avait été le cas pour leurs parents. Il faut tenir compte aussi des mutations socio-économiques qui ont provoqué le déclin du secteur industriel et donc la diminution du nombre des ouvriers au profit du secteur tertiaire. Enfin, après l'immense espoir qu'avait provoqué la victoire de la gauche en 1981, les désillusions jouèrent un rôle essentiel dans un électorat populaire touché de plein fouet par les ravages du néolibéralisme.